Répondre à des questions formelles. Exercice 3. A. Êtes-vous déjà allé en France? B. Avez-vous déjà passé des examens de français? Quel est votre niveau? C. Quelle est votre formation? D. Quel diplôme avez-vous obtenu? E. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs? F. Votre conjointe va vous accompagner. Quelle est sa profession? G. Et vos enfants? Ils parlent français? Dans quelle école vont-ils aller? H. Où logerez-vous à votre arrivée? Qui paiera les frais? I. Combien de temps pensez-vous rester en France?